fin de soirée dans le parc, je suis pas dans le club. Cette poufiasse a pas oublié son plug. Je suis dans la rare couleur Lady Bug. Jésus pleut, j'ai fini ma chasse sur un stunt. J'ai tout mis dans la feuille de blunt. Truc boulette a trouvé mon cœur. Mais impliqué on vend la skunk. Je me tape tout niquer, je dois rentrer ma soeur. J'ai des frères qui n'ont pas fait la salade. À cause de la salade, quand on vivait des trucs de malade. Hein, ben toi t'étais pas là. Jeune fauve a grandi dans la jungle. Attiré par les billets purple. Une attaque, j'ai tout mis dans le tum-tum. Contrôle, j'ai le sourire de Hercule. On vient à revendre la moula. On est prisonnier comme au goulag. Très tôt, on a connu les coups bas. Au lieu de billets, j'ai pris goulag. Tel matin, je vends la cash. Et je vois plus mon père. Et mes mains sentent la peuf. La haine a pris la peur. Je suis entre mes rêves et mes espoirs. Je suis bloqué, je suis dans le noir. En ce moment, je me reconnais plus moi-même. Je me regarde plus dans le miroir. J'espère qu'un jour on va arriver, à la fin du coup. Sinon on passera nos vies à rêver, Je suis entre mes rêves et mes espoirs. Je suis bloqué, je suis dans le noir. En ce moment je me reconnais plus moi-même. Je me regarde plus dans le miroir. J'espère qu'un jour on va arriver, à la fin du coup. Sinon on passera nos vies à rêver, L'argent se refait mais l'amitié se refait jamais. Lien du sang je les quitterai à tout jamais. Ça fait 3 ans qu'on les mange comme sauce béchamel. Ce week-end toi livré Michel Achimène. Dans ce monde personne partage son échelle. C'est triste à dire mais tous les humains sont cruels. Maman m'a dit tu me fais trop penser à ton père. Plus confiance en personne trahi par ADN. Ragis dans le bloc entre les pleurs et les crimes du soir. Va pas quitter trop tôt, je reste fort mais j'ai plus d'espoir. Connu trop dans la zone, j'ai trop zoné, j'ai plus peur du noir. Donc devant le miroir, dans la savane, j'suis entre mes rêves et mes espoirs, je suis bloqué, je suis dans le noir. En ce moment, je me reconnais plus moi-même, je me regarde plus dans le miroir. J'espère qu'un jour on va arriver, à la fin du coup. Sinon, on passera nos vies à rêver, On a ramené la boule à la cage, Entreprise en bas du bloc, On n'a pas loupé le coche, On a voulu brasser dans le danger. Le million c'était l'ange. Ce qu'on voulait c'était manger. Mais pour la rue c'est dangereux. Mes amis d'enfance sont changés. Je perds mon temps, personne m'entend. Tous les jours j'attends 5 chiffres sur mon temps. Nord de comme juge à mon temps. J'ai pas encore vu la lumière. Sur moi elle s'éteint. Sur moi elle s'éteint. 30. Sur moi contrôle, j'dis que c'est ma conce. J'ai vite compris que le succès peut rendre con. J'm'entoure des vrais, c'est Biggie et Bako. Rien n'a changé. J'suis entre mes rêves et mes espoirs. J'suis bloqué, j'suis dans le noir. En ce moment, j'me reconnais plus moi-même. J'me regarde plus dans le miroir. J'espère qu'un jour on va arriver, À la fin du coup. Sinon, on passera nos vies à rêver,